Oui, c'est Romain Gordon. Oui, pour toi, j'ai prod. Oui, c'est Romain Gordon. Oui, pour toi, j'ai prod. Oui, c'est Romain Gordon. Oui, pour une fois, j'ai prod. Contre son cul, contre ce son vu, débarque en France avec une caisse allemande, vodka orange pour les filles, trop de chaudeau. N'oublie pas que trop, la tête hors de l'eau, que trop part sous trop. Cercle sur le cheminot, je suis monté, je vais démonter. Si d'un domo c'est cruel, je sais, c'est mortel, je sais. Quand il a envie, tu sais, tu le sais. C'est que trop de pute part au galop, qu'elle se montait au diesel. Dès que ça arrive, je me fais la belle, je sais que c'est cruel. C'est trop de puces partout galop. Qu'elles sont montées au diesel. Dès que ça arrive, je me fais la bête. Je sais que c'est cruel, je sais que c'est cruel. C'est trop de puces partout galop. Qu'elles sont montées au diesel. Et dès que ça arrive, je me fais la bête. Je sais que c'est cruel. On dit pas que le parc c'est devenu une forme de langage, et que trop de gens s'engagent, et c'est que les dames ont la rage, la vie des hommes saute en pagaille, 36 cas, je me fais tes bagages, nique ta race, mais nous dégage. On lui va qu'à ton âge, ma vie était pleine de surprises, et c'est qu'aujourd'hui, je te méprise. Une trop de bêtises, et pas assez de maîtrise. Une trop de bêtises, et pas assez de maîtrise. Et c'est que trop pute, partout galop. Qu'elles sont montées au diesel, mais dès que ça arrive, je me fais la bête, je sais que c'est cruel. C'est trop de puces partout galop, qu'elles sont montées au diesel, et dès que ça arrive, je me fais la bête. C'est Romain Gordon, pour toi j'ai trop. Oui, c'est Romain Gordon. Pour ce son vu débarquer en France avec une caisse allemande, vodka orange pour la fille, trop de chaud, n'oublie pas que trop on la fait, tord de l'eau, que trop partout trop. Y'a que sur le cheminot, je suis monté, je vais démonter, c'est bien de l'eau. C'est cruel, je sais, c'est mortel, je sais. Quand ils m'ont dit, ne tu sais, tu le sais. Oui, c'est Romain Gordon. Oui, pour une fois, j'ai prod. Oui, c'est Romain Gordon. Oui, pour une fois, j'ai prod.